Quelques bâtiments jaunâtres, orange, me revois y venir. Étrange comme durent les souvenirs, les sentiments derrière du plâtre. L'embranchement d'un boulevard, premier pour être juste. Franchement peu bavard, mais n'ai rien renié dans mon buste. Un vieux poste étiolé, craché les armes miraculeuses. Froid dans ton Lacoste violet, l'âme cachée dans une nébuleuse. Derrière nos parois, la même gamberge à nos chevets. Comme un frère de désarroi, quand la parano m'achevait. Sur les sièges de Bordeaux 3, on causait de caisses claires. Le soir posé en coup d'éclair, l'espoir un piège que l'on s'octroie. Le dernier bus de nuit, sans façon me déprimer. Mais sur tes sons, moi j'irimais bien plus que pour ruiner l'ennui. Et n'ai rien entériné, ni cuivre, ni contrebasse. Ni tes livres sur la table basse que j'ouvrais pour mieux ruminer. Mes oraisons instables, parfois elles culminaient. Parfois détestable lorsque la raison fulminait. Sont nées les premières maquettes en collaboration, loin des prières de ceux en quête d'ovation ou de rotation. Élaboration de sujets, toi à la production, une coloration au projet, moi métrique dans l'élocution. Une ferveur indispensable, électrique nous rassemblait. Puis sa saveur j'ai ensablé, en parler semblait impensable. Comme il est impossible que dans ces vers je mente, je me remets mort impassible comme mort devant mon verre de menthe. Quelques remords, pas de regrets, le futur c'est des soustractions. J'entretiens mon pédigré, rature quand tous font des tractions. J'entends déjà, il se repent, juste un temps que j'ai repeint. Entre le sang et le pain, j'attends sans fin l'âme en suspens. Le parfum d'un 31 martèle mes confessions. Il m'a longtemps hanté en vain dans une chapelle de réflexion. Certains vont nourrir les non-dits, je me rappelle de tes pianos. De cette mortelle mélodie dans le sourire de Kitano. Sur la route de la perdition.